savais comme on s'ennuie à la manée. Tu m'écrirais bien plus souvent à la manée qu'ouagan. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille, je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tu es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas. Toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long, mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom. Je t'aime. Si tu savais comme on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la manée qu'ouagan. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus haut des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la manée qu'ouagan.